Vous voyez que cet État, fondé sur la guerre, et par là, naturellement disposé à empiéter sur ses voisins, a mis tout l'univers sous le joug pour avoir porté au plus haut point la politique et l'art militaire. Vous voyez les causes des divisions de la République et finalement de sa chute dans les jalousies de ses citoyens et dans l'amour de la liberté poussé jusqu'à un excès et une délicatesse insupportable. Vous n'avez plus de peine à distinguer tous les temps de Rome, soit que vous vouliez la considérer en elle-même, soit que vous la regardiez par rapport aux autres peuples et vous voyez les changements qui devaient suivre la disposition des affaires en chaque temps. En elle-même, vous la voyez au commencement dans un état monarchique établi selon ses lois primitives, ensuite dans sa liberté et enfin soumise encore une fois au gouvernement monarchique, mais par force et par violence. Il est aisé de concevoir de quelle sorte s'est formé l'État populaire après les commencements qu'il avait dès les temps de la royauté. Et vous ne voyez pas, dans une moindre évidence, comment dans la liberté s'établissaient peu à peu les fondements de la nouvelle monarchie. Car, de même que vous avez vu le projet de république dressé dans la monarchie par Servius Tullius, qui donna comme un premier goût de la liberté au peuple romain, vous avez aussi observé que la tyrannie de Sylla, quoique passagère, quoique courte, a fait voir que Rome, malgré sa fierté, était autant capable de porter le joug que les peuples qu'elle tenait asservis.